psaume numéro 73. Pourquoi Dieu nous rejeter sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu as acquis dès l'origine, la tribu que tu revendiquas pour héritage, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin. L'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi, et là, il a planté ses insignes. On les a vus brandir la cognée comme en pleine forêt, quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané et rasé la demeure de ton nom. Ils ont dit « Allons, détruisons tout ». Ils ont brûlé dans le pays les lieux d'assemblée sainte. Nos signes, nul ne les voit, il n'y a plus de prophète. Et pour combien de temps? Nul d'entre nous ne le sait. Dieu, combien de temps blasphémera l'adversaire? L'ennemi en finira-t-il de mépriser ton nom? Pourquoi retenir ta main, cacher la force de ton bras? Pourtant, Dieu, mon roi dès l'origine, vainqueur des combats sur la face de la terre, c'est toi qui fendis la mer par ta puissance, qui fracassa les têtes des dragons sur les eaux. Toi qui écrasa la tête de Léviathan pour nourrir les monstres marins. Toi qui ouvris les torrents et les sources. Toi qui mis à sec des fleuves intarissables. À toi le jour, à toi la nuit. Toi qui ajusta le soleil et les astres. C'est toi qui fixa les bords de la terre, l'hiver et l'été. C'est toi qui les forma. Rappelle-toi, l'ennemi a méprisé ton nom. Un peuple de fous a blasphémé le Seigneur. Ne laisse pas la bête égorger ta tourterelle. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Regarde vers l'Alliance. La guerre est partout. On se cache dans les cavernes du pays. Que l'opprimé échappe à la honte. Que le pauvre et le malheureux chantent ton nom. Lève-toi, Dieu, défends ta cause. Rappelle-toi ces fous qui blasphèment tout le jour. N'oublie pas le vacarme que font tes ennemis, la clameur de l'ennemi qui monte sans fin.